L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. L'action culturelle. Action culturelle avec Gaëlle Jacqueline, responsable des relations publiques à l'apostrophe, ici sur Cergy Pontoise. Gaëlle Jacqueline, nous allons parler des parcours lecture-écriture proposés dans le cadre des actions culturelles par l'apostrophe. Quelques mots de présentation de ces lectures et écritures. Oui, disons que on a à l'apostrophe, on défend le théâtre vivant qui est aussi, il y a les classiques, mais il y a aussi le théâtre contemporain dramatique qui est mis en scène. Et donc, en partenariat des éditions, avec les éditions théâtrales, on soutient cette émergence de textes et on a développé un comité de lecture depuis quelques années maintenant. Donc, ce comité de lecture au sein de l'apostrophe se réunit 4 fois, il est ouvert à tous. 4 après-midi pour débattre des textes qu'on a découverts, qu'on a lus auparavant chez soi, une 20aine de textes. Et puis, au cours de ces rendez-vous, les membres du comité, on est guidés par un comédien, metteur en scène, qui s'appelle Jean-Paul Rouvray, qui nous aide à argumenter, à envisager, à réfléchir sur une construction dramatique et puis sur peut-être pressentir la mise en scène possible. Et puis, depuis l'année dernière, nous sommes rejoints par Pierre Banos, notamment, donc directeur des éditions théâtrales, pour apporter un regard professionnel sur le monde de l'économie du livre. Et puis, on a ouvert sur des textes traduits, donc les enjeux que comporte une traduction, voilà, différents enjeux comme ça. Et à l'issue de ces rencontres du comité de lecture, le comité sélectionne 3 textes. Parmi ces 3 textes vont être lus ensuite à un rendez-vous qui s'appelle Théâtre du présent. Donc au cours de cette journée Théâtre du présent sont mis en voie par des comédiens professionnels les 3 textes sélectionnés par les 3 coups de cœur du comité de lecture. Et puis ensuite, au cours de cette journée, le public présent élit son texte lauréat, son coup de cœur. Donc, cette année, le comité de lecture va avoir un premier rendez-vous, un peu un lancement, une soirée lors du 1er octobre à 18h30 au Théâtre des Arts. Tous les interlocuteurs seront présents, donc Pierre Banos, Jean-Paul Rouvray, moi-même qui suis au quotidien, qui suis référente de ce projet, et puis également quelques membres du comité de lecture qui pourront témoigner de leur parcours. Donc l'occasion pour tous de découvrir le fonctionnement du comité de lecture et ses enjeux. Et puis en deuxième partie de soirée... Et de pouvoir éventuellement rejoindre ce même comité de lecture. Bien sûr, au contraire, on est on serait ravis d'accueillir de nouvelles personnes qui seraient juste curieux. Il n'y a pas besoin d'avoir envie de lire, mais il n'y a pas besoin du tout d'avoir une réflexion très particulière. C'est vraiment des échanges très simples qui s'opèrent durant la rencontre. Des passionnés, des curieux de lecture, théâtrale. Oui. En premier lieu, il faut avoir l'envie, mais après, c'est que ce soit une passion ou une curiosité, une envie d'échanger avec les autres, de confronter ses points de vue, de réagir sur ses lectures. Premier rendez-vous donc le samedi 1er octobre à 18h30 au Théâtre des Arts à Cergy Centre, suivi donc ce premier rendez-vous d'un spectacle. Oui, tout à fait. À 20h30, en fait, nous allons voir une mise en espace gérée par Frédéric Wolff-Michaud, qui est comédienne, orchestrée par Frédéric Wolff-Michaud, qui est comédienne et metteur en scène, et mis en voix par des comédiens amateurs sur le texte Le Bon Grain, qui a été donc sélectionné auparavant par le comité de lecture, puis élu par le public lors de la dernière journée qui avait lieu en novembre 2015, Théâtre du présent. Le Bon Grain, écrit par François Dumont. Théâtre du présent pour l'édition 2016, elle aura lieu le samedi 5 novembre, toute la journée, de 11h à 17h30, rendez-vous d'auteurs. On a bien compris qu'il va y avoir des échanges, des rencontres avec les auteurs, mais tous ceux qui, on va dire, se situent autour du livre de manière générale, il y a différents professionnels qui agissent autour du livre. livre. Oui, la journée Théâtre du Présent s'établit en deux temps là aussi. Il y a la lecture donc, des trois textes sélectionnés par le comité de lecture, et puis ensuite un temps de débat, de rencontre, d'échange avec les auteurs, les éditeurs, et puis les personnes du champ littéraire qui y est associé. Donc lecture des trois textes pour l'édition 2015-2016, il y aura un modérateur. Oui, Amim Kalek, qui lui-même est responsable du comité de lecture du Rond-Point, du Théâtre du Rond-Point. Il nous faut aborder également le cycle de lecture théâtrale au galop, si je puis dire. Trois rendez-vous dans l'année avec pour partenaire la bibliothèque d'études et d'informations de Cergy Pontoise, la bibliothèque Albert Camus d'Irani et le Théâtre Uvol à Saint-Ouen-l'Aumône. Oui, il s'agit de trois rendez-vous en lecture le samedi après-midi à 15h où toute personne, tout usager du lieu peut venir écouter du théâtre en train de se lire, souvent c'est cantonné à quelques rayonnages dans la bibliothèque. Là, c'est du spectacle, du théâtre vivant en train de se lire. Bon, très bien. On sait pour l'essentiel ces propositions dans le cadre des actions culturelles proposées tout au cours de la saison par l'apostrophe. Et ce n'est pas la première saison que cela est proposé. Je dois donner une information de dernière minute pour arriver au terme de cette émission. Les journées du patrimoine, elles arrivent. C'est ce week-end. L'apostrophe y participe depuis plusieurs années. C'est l'occasion pour les habitants, les curieux, les visiteurs, et bien de se rendre au Théâtre des Louvrets à Pontoise pour visiter un vrai théâtre, découverte de tous les recoins méconnus du théâtre, du grill à 15 mètres de hauteur, attention, prudence tout de même, en passant par la salle de répétition, la fosse d'orchestre, la salle de spectacle, la régie. On va pouvoir attiser petits et grands sa curiosité. Samedi 17 septembre à 15h, rendez-vous devant le Théâtre des Louvrets à Pontoise. Quand je dis devant, ce sera même à l'intérieur déjà, dans le hall d'accueil. L'entrée est libre sur réservation au 01 34 20 14 14 01 34 20 14 14. Informations détaillées et évidemment sur le site internet de l'apostrophe au www.l'apostrophe. Tout attaché en un seul mot, l'apostrophe.net. Je sens que Gaëlle avait un dernier mot à dire. Non, c'était juste pour ajouter qu'effectivement, tous les rendez-vous du comité de lecture sont aussi en entrée libre, ainsi que le Théâtre du Présent, tout comme le chantier de création de Jean-Paul Wenzel.